La modernité a autant de sens qu'il y a de penseurs ou de journalistes. Pourtant, toutes les définitions désignent d'une façon ou d'une autre le passage du temps. Par l'adjectif « moderne », on désigne un régime nouveau, une accélération, une rupture, une révolution du temps. Lorsque les mots « moderne », « modernisation », « modernité » apparaissent, nous définissons par contraste un passé archaïque et stable. De plus, le mot se trouve toujours lancé au cours d'une polémique, dans une querelle où il y a des gagnants et des perdants, des anciens et des modernes. « Moderne » est donc asymétrique par deux fois. Il désigne une brisure dans le passage régulier du temps et il désigne un combat dans lequel il y a des vainqueurs et des vaincus. Mais dans les innombrables querelles des anciens et des modernes, les premiers gagnent maintenant autant de fois que les seconds et rien ne permet plus de dire si les révolutions achèvent les anciens régimes ou les parachèvent. De là, le scepticisme appelé drôlement « post-moderne », bien qu'il ne sache pas s'il est capable de succéder pour toujours au moderne. Pour revenir sur nos pas, nous devons reprendre la définition de la modernité, interpréter le symptôme de la post-modernité et comprendre pourquoi nous n'adhérons plus de toute notre âme à la double tâche de la domination et de l'émancipation. Pour abriter les réseaux de sciences et de techniques, faut-il donc remuer ciel et terre ? Oui, justement, le ciel et la terre. Bonjour Bruno Latour. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Pour ce troisième jour en votre compagnie, hein, nous passons la semaine ensemble. Avec plaisir, oui. En tout cas, jusqu'à jeudi, ravi de vous retrouver à nouveau. Hier, nous parlions de la science, on se demandait si la science avait toujours raison. Lundi, nous avons présenté votre philosophie des modes d'existence. Aujourd'hui, nous allons nous demander si nous n'allons pas vers la fin de l'universel. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'on entend par la modernité. On verra dans quel sens, le lien qu'il y a entre modernité et universel. J'ai lu un extrait du début de votre livre qui s'appelle « Nous n'avons jamais été modernes », essai d'anthropologie symétrique aux éditions de La Découverte. Est-ce que vous pouvez nous définir plus précisément, même si j'ai dit dans le texte, ce que vous entendez par modernité ? Moderne, évidemment, il y a le sens au sens chronologique, c'est-à-dire l'art moderne par opposition à l'art contemporain, une espèce de marqueur, disons, des périodes historiques. Mais ce qui m'a intéressé quand j'étais dans cet épisode, pour moi très important, d'être dans le moment de néocolonisation extrême, quand je faisais ma coopération à Abidjan, il y a 52 ans, c'est que moderne m'est apparu vraiment comme un mot d'ordre. C'est-à-dire, comme vous venez de le lire, c'est un combat. Et j'étais chargé de comprendre comment ça se fait que les Ivoiriens éduqués, c'est-à-dire les cadres ivoiriens, n'acceptaient pas aussi rapidement que possible les trois grandes valeurs, disons, qu'on était supposé leur apporter, l'efficacité, la rentabilité et la rationalité. Et il m'a fallu à peu près trois jours dans mon début de mon terrain pour m'apercevoir pourquoi. C'est que cette injonction à se moderniser de la part des cadres expatriés des entreprises que j'ai étudiées n'avait évidemment aucune espèce de rapport ni avec l'efficacité, ni avec la rentabilité, ni avec la rationalité. La rationalité, on en a un peu parlé hier avec la question des sciences. Entre la rationalité et la pratique scientifique, il n'y a pratiquement pas de rapport. Mais l'efficacité des techniques, c'était plutôt ça que d'ailleurs que j'étudiais, il n'y a aucune espèce de rapport entre la complexité des dispositifs techniques et la notion d'efficacité. Comme on en a parlé hier de la discutabilité, un fait indiscutable à la fin, mais à condition d'avoir été discuté au début, l'efficacité d'une technique, c'est le résultat final et provisoire d'un immense travail collectif des ingénieurs ensemble, avec les politiques, les juristes, etc. J'ai passé beaucoup de temps à étudier. J'ai même fait un livre entier sur un métro automatique dans la région parisienne, qui est mon livre chéri, que j'aime beaucoup. C'est vrai. Qui s'appelle Aramis. Donc, de nouveau, on a, avec la technique, exactement comme avec les sciences, aucune espèce de rapport entre la façon dont les modernes, ceux qui veulent moderniser et qui envoient ce mot d'ordre, modernisez-vous, modernisez-vous, modernisez-vous, et la pratique de ce qu'ils font, eux, les modernes, c'est-à-dire les techniques, les sciences, l'économie, la religion, le droit, etc. Et la politique aussi. Donc, je me suis dit, mais modernisez-vous. C'est pas, ça vaut le coup de l'étudier en tant que tel. C'est-à-dire, de non pas que je, moi, expatrié, professeur, envoyé pour former les petits Ivoiriens à la philosophie de Descartes au lycée d'Abidjan. Donc j'avais la solution soit de dire, je suis l'agent de la modernisation et de la civilisation, je porte sur moi le fardeau de l'homme blanc pour venir moderniser les Ivoiriens, ou bien dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'appelle moderniser ? Et donc, ouais. Et donc, prenons-le comme objet d'étude et d'anthropologie. D'accord. Donc, c'est, un, la situation de vous, en Côte d'Ivoire, qui vous sentez contraint d'être le porte-parole d'une injonction à se moderniser, qui est en fait une injonction qui vient de l'Occident. Et deux, l'expression même de modernisation qui vous interpelle plus que ce que c'est que la modernité. C'est-à-dire que dans la modernité, il y a essentiellement un mot d'ordre. Ce qui va permettre de faire, d'imposer avec une virulence extraordinaire et les catastrophes que nous connaissons maintenant, ça c'était bien avant la crise écologique, hein. C'était justement, elle était déjà en train d'être produite cette crise, mais elle n'était pas encore, disons, dans les consciences, en tout cas pas dans la mienne. Et donc, je me suis dit, mais il faut construire l'anthropologie, non pas pour étudier pourquoi les autres peuples ne sont pas capables d'être rationnels, etc., mais au contraire, comment nous prétendons être rationnels, alors qu'aucun des éléments avec lesquels nous construisons l'efficacité, la rentabilité et la rationalité ne correspondent à ce que nous faisons. C'est-à-dire que vous étiez postcolonial avant l'heure? Ah oui, j'ai mon rapport d'étude après l'étude que j'ai faite à Abidjan, qui est mon premier terrain, mon premier rapport d'étude est complètement, pré-postcolonial, je sais pas c'est comment ça, on appelle ça aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous reconnaissez dans le postcolonialisme tel qu'il est en cours aujourd'hui? Postcolonialisme, nous n'avons jamais été modernes pour être considérés comme un livre tout à fait fondateur du postcolonialisme, mais un postcolonialisme de l'intérieur, c'est-à-dire c'est un colonial, moi, envoyé dans la coopération qui commence une anthropologie qui se nourrit évidemment des travaux de décolonisation et beaucoup de ceux qui sont été produits dans notre domaine, l'histoire de l'environnement, l'histoire postcoloniale de l'environnement, etc., dépend de cette tradition. Comment arriver à faire de la modernité non pas un mot d'ordre mais un objet d'étude? Voilà, moi ce que j'ai fait. Ouais. Et le début, alors évidemment, c'est 30 ans avant que je finalise cette anthropologie des modernes, mais je me suis dit, les blancs, finalement, sont intéressants. Il faut les étudier aussi. Il faut les étudier avec des méthodes ethnographiques. Et c'est pour ça que je pars en Californie avec cette idée-là. Et je me dis, appliquons les méthodes ethnographiques aux blancs. Parce qu'eux, ils sont drôlement intéressants. Ils n'ont aucune espèce de rapport entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Alors, à l'époque, je ne me rendais pas compte pourquoi. Maintenant, on sait pourquoi. Parce que évidemment, les travaux de postcoloniaux récents, tout le travail sur les flux énergétiques, le travail des philosophes de l'environnement et tout ça a complètement transformé la situation. Mais ils vivent évidemment la raison pour laquelle les modernes ne font pas ce qu'ils disent et ne disent pas ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en schizophrénie. Ils sont en train de définir un monde, par exemple la liberté, mais la liberté donc qu'ils développent chez eux. C'est parce que, évidemment, ils ont la mainmise sur des ressources énormes qui sont à l'extérieur. Mais alors, justement, essayons de définir quand même ce que ça veut dire être moderne, cette revendication d'une modernité. Dans l'histoire de la philosophie, on la date généralement à l'avènement de Descartes, et avec une certaine lecture de Descartes qui n'est pas toujours juste, qui consisterait à dire, c'est le fait d'ériger la raison en rapport premier avec la nature, avec le monde. Oui, mais il n'y a pas, dans mon expérience depuis 50 ans, il n'y a pas de sujet qui soit clarifié par l'usage du mot dire moderne, parce que par contre c'est un mot d'ordre toujours, y compris d'ailleurs chez Descartes, parce que comme vous le savez fort bien, quand on étudie Descartes avec d'autres méthodes, on s'aperçoit qu'il y a toute une tradition qu'il garde complètement, tout à fait, une grande tradition scolastique, et qu'il n'a pas été plus moderne. D'ailleurs, personne n'a jamais été moderne. Donc c'est ça. Donc en fait, personne. C'est le sens de mon livre. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un mot vide. C'est un mot qui est rempli de violence extrême comme mot d'ordre, mais comme descripteur objectif d'une expérience et d'une situation, il n'a aucun contenu. Et je n'ai jamais vu un seul cas où l'usage du mot « ah ben oui, mais ça c'est plus moderne que l'autre » et on essaie de faire la distinction en utilisant ce critère, fonctionne. Parce qu'à chaque fois, on est obligé, précisément, parce que c'est impossible d'être moderne. Ça voudrait dire que le temps serait coupé. On a cette espèce de coupure continuelle, on regarde le passé comme archaïque, et puis on a cette espèce de front de modernisation qui avance et qui est supposé, si vous ratez ce train-là de front de modernisation, vous êtes perdu. Il n'y a pas de situation qui soit celle-là. Et maintenant, comme on arrive dans la situation écologique, on s'aperçoit que ça a encore moins de sens de vouloir continuer à se moderniser. Qui est-ce qui croit qu'on va moderniser encore la planète? Il n'y a pas de monde pour cette modernisation-là. Il n'y a pas de planète pour cette modernisation-là. Donc mon intuition était, je dois dire, assez juste. C'est de dire, prenons la modernisation comme sujet d'étude. Mmh. Et faisons l'anthropologie des modernes. Ça m'a pris du temps, mais je suis assez obstiné. Et j'ai essayé, élément par élément, la technique, la science, la politique, etc., d'en faire l'anthropologie. Et d'essayer de comprendre pourquoi dans chaque fois, dans chaque cas, ce qui est mis en avant explicitement, la raison, l'efficacité, la rentabilité, etc., n'a aucun rapport avec la pratique. Ça veut dire, alors ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire que la ligne directive qui est suivie est inapplicable, c'est ça? C'est-à-dire si vous dites par exemple, libérons-nous, émancipons-nous, qu'est-ce que font les modernes? Ils sont partout, ils rentrent au contraire dans tous les détails de l'existence, ils s'enracinent dans les capacités productives les plus intimes et ils disent, mais c'est un grand projet d'émancipation. Non, c'est un projet d'émancipation, mais aussi d'occupation, dans tous les sens possibles du terme, de tous les matériaux de la planète. Alors, il faut quand même, on ne peut pas vivre indéfiniment dans une situation où on dit une chose et on fait exactement le contraire. Mmh. Et évidemment, le point de rupture commence à partir du moment où la question écologique arrive d'une façon évidente, où on se dit, mais vous allez pouvoir continuer combien de temps à vivre dans un monde alors que vous en occupez un autre? Donc, il faut maintenant faire l'inventaire, et c'est ce que je propose dans ce projet d'anthropologie des modernes. Faisons l'inventaire, à quoi vous tenez? C'est quoi que vous tenez vraiment? Maintenant, tout le monde est modernisé, d'une certaine façon, il y a une modernisation japonaise très ancienne, il y a mille vecteurs de modernisation. Donc maintenant, retournons-nous vers ces fameux blancs, qui sont bien intéressants à étudier parce qu'ils sont tellement bizarres. Pourquoi vous distinguez autant les blancs des noirs? Non, c'est pour simplifier. Oui, je sais, mais justement, c'est quoi? C'est occidentaux, vous voulez dire? Oui, enfin, les occidentaux. Ceux qui se reconnaissent, disons, dans un ancien projet de civilisation, dont ils sentent maintenant que ça a été une exploitation générale du monde, et maintenant une menace pour leur propre existence aussi, à eux, à cause de la question écologique. Donc ils reprennent. Ouais. Disons, ils se regardent eux-mêmes, et moi j'ai un peu essayé de dire, ben, regardez-vous vous-même avec une méthode ethnographique un peu sérieuse et précise, suivez l'expérience que vous avez de la science, ben, ça n'a rien à voir avec la raison, suivez l'expérience que vous avez de la technique, ben, ça n'a rien à voir avec l'idée d'efficacité technique, etc. etc. Ouais. Et maintenant, dites à quoi vous tenez. Et ensuite, dites comment vous allez vous présenter aux autres maintenant. Et ça, c'est ça le côté diplomatique, disons, de mon anthropologie. Alors on va y venir, hein, justement, l'importance de la diplomatie et aussi essayer de comprendre comment l'écologie a pu changer ce rapport de force que vous décrivez. Mais d'abord, vous parlez de la méthode ethnographique. On va entendre un extrait de La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss qui lui aussi essaye d'appliquer cette méthode pour essayer de penser une forme de modernité à travers l'exemple de l'automobile. L'Indien américain qui déchiffre une piste au moyen d'imperceptibles indices. L'Australien qui identifie sans hésiter les empreintes de pas laissées par un membre quelconque de son groupe ne procède pas autrement que nous faisons nous-mêmes quand nous conduisons une automobile et jugeons d'un seul coup d'œil sur une légère orientation des roues, une fluctuation du régime du moteur ou même sur l'intention supposée d'un regard du moment de dépasser ou d'éviter une voiture. Pour incongrue qu'elle puisse paraître, cette comparaison est riche d'enseignements. Car ce qui aiguise nos facultés, stimule notre perception, donne l'assurance à nos jugements, c'est d'une part que les moyens dont nous disposons et les risques que nous courons sont incomparablement accrus par la puissance mécanique du moteur, d'autre part que la tension qui résulte du sentiment de cette force incorporée s'exerce dans une série de dialogues avec d'autres conducteurs dont les intentions semblables à la nôtre se traduisent en signes que nous nous acharnons à déchiffrer. Un observateur exotique jugerait sans doute que la circulation automobile dans le centre d'une grande ville ou sur une autoroute surpasse les facultés humaines. Et elle les surpasse en effet. Pour autant qu'elle ne met exactement face à face ni des hommes ni des lois naturelles, mais des systèmes de forces naturelles humanisés par l'intention des conducteurs et des hommes transformés en forces naturelles par l'énergie physique dont ils se font les médiateurs. À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Tiens, encore un rendez-vous raté, hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Du calme. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde les jets d'eau. Y a du soleil, bip bip. Oh, n'effrayez pas les petits oiseaux. J'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron. Elle fume le cigare, elle a des tout petits yeux tout ronds. Si je suis en retard, c'est toujours ça de gagner. Y a du soleil, bip bip. Oh, vraiment, je ne suis pas pressé. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et Joe Dassin en compagnie de Bruno Latour qui est avec moi en studio ce matin, comme tous les jours d'ailleurs, jusqu'à jeudi. Joe Dassin qui vient illustrer le texte de Claude Lévi-Strauss que vous avez entendu juste avant, lu par François Raison, La pensée sauvage. À la fin du texte, vous l'avez entendu, Bruno Latour, finalement, Lévi-Strauss décrit le conducteur et son automobile, sa voiture, comme s'affrontant à la fois comme sujet et comme objet. Et en fait, ce qui est très important, c'est de voir ici, et ça, cette distinction pour vous, elle est aussi très importante, enfin, le dépassement de cette distinction, c'est qu'il ne faut pas distinguer d'un côté le sujet actif et de l'autre l'objet passif. Ce que nous dit le texte, c'est que le moteur aussi est un distributeur d'énergie, oui, alors que le conducteur lui-même a aussi un aspect technique. Lévi-Strauss n'aurait pas utilisé sujet-objet pour décrire ces imbroglios. C'est des imbroglios typiques, c'est un bel exemple d'anthropologie symétrique. Je le cite d'ailleurs dans Nous n'avons jamais été modernes. Ouais. Bon, le lien avec Dassin me paraît un peu plus compliqué à faire. Je ne demanderai pas de le commenter. Ça fait partie des montages qui vous amusent. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que justement, il y a énormément de ressources chez les anthropologues. Je parle de Lévi-Strauss, mais on pourrait parler de mon ami Philippe Descola, qui ont fait le boulot qui est complémentaire en quelque sorte du mien et de ceux, parce que moi j'appelle ça anthropologie, mais mes amis en histoire de l'environnement ou en sciences et technologies studies, font à peu près le même boulot. C'est-à-dire, retournons le regard analytique vers les modernes, c'est-à-dire ceux qui se présentent comme les producteurs de cette injonction, de ce mot d'ordre de modernité, et ajoutons leurs découvertes. Par exemple, c'est clair que sur les techniques, la vision que nous avions des techniques comme maîtrise, transparence, efficacité, etc., n'a plus aucune espèce de rapport avec ce que les historiens et les sociologues des techniques nous ont développé. Sur l'économie, qui est quand même le grand sujet, qui était cette espèce de rationalité universelle qui était supposée se répandre partout, quand l'anthropologie économique, alors il y a celle des anthropologues comme Marshall Salin, mais quand elle s'ajoute à ceux qui étudient tous nos amis, quand j'étais à l'école des mines et qui continue à le développer, qui travaille sur les salles de marché, sur la comptabilité, sur la façon dont l'extraordinaire complexité des modes de calcul qui permettent à l'économie de s'étendre, nous avons de nouveau maintenant une description du travail économique qui n'a aucune espèce de rapport avec l'extension d'un modèle universel, comme si la matière même de nos relations était économique. Nos relations ne sont pas économiques, elles sont économisées par des instrumentations, par la formation dans les écoles de commerce, par l'imposition d'un certain type d'algorithme à l'intérieur des salles de marché. Tout ça est maintenant extrêmement étudié. Et ce qui est très étonnant, c'est que toute cette science, qu'on pourrait dire, cette anthropologie généralisée des modernes sur la technique et la science est très peu répandue dans l'esprit des gens. Il y a encore des gens qui parlent de l'économie comme si nos relations étaient fondamentalement économiques. Mais nos relations ne sont pas économiques, c'est des relations anthropologiques d'évaluation, de sympathie, d'antipathie, alors justement, de passion. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous citiez Philippe Descola juste avant. Est-ce que ça veut dire que vous reprenez à votre compte le fait de dépasser la distinction entre la nature d'un côté et la culture de l'autre? Non, mais pour vous, ça vous paraît évident parce que c'est toute votre vie, mais c'est pas le cas de tout le monde quand même. Oui, mais enfin, nous ne vivons pas dans un monde où il y aurait une nature et une culture. On vit dans un monde comme toute l'excellente petite description que vous venez faire de de Lévi-Strauss, des imbroglio, j'appelais ça autrefois des hybrides, peu importe, à cause d'ailleurs même de l'énergie de ce processus de modernisation, les distinctions entre ce qui est, disons, de l'ordre du social et de l'ordre de ce qui est du naturel disparaissent au fur et à mesure. Mais on en a parlé hier avec les microbes. C'est évident que lorsque vous commencez à étudier la façon dont les microbes se développent, si vous vous apercevez par exemple que les antibiotiques, nous produisons infiniment plus de tonnes d'antibiotiques qu'il n'y en a jamais eu par la nature elle-même, et que ces antibiotiques que nous produisons dans les usines ont modifié l'existence même de toutes les bactéries, aussi éloignées qu'elles soient dans le monde, l'idée de vouloir encore faire une distinction entre nature et culture n'a aucun sens. Si je vous dis que la quantité, le système Haber-Bosch qui a permis la production des engrais au début du 19e siècle mouline beaucoup plus des produits chimiques essentiels aux engrais que ce que la nature elle-même en produit, le cycle de production qui passe par les usines est infiniment supérieur, etc. Si on ajoute toutes les données qui sont... Enfin bref. Donc ça veut dire qu'on renonce au mot nature ? Ou est-ce qu'il a encore un sens ? Il y a d'innombrables sens de nature, mais si le sens de la nature qui a été inventé, comme on le disait hier, au XVIIe siècle pour essayer de comprendre finalement une situation où les sciences seraient la même chose, où le monde serait fait et constitué des mêmes éléments que ceux qui sont connus par les sciences et étendus indéfiniment, res extensa. Alors, c'est quand même extraordinaire, Descartes, la res extensa. La chose étendue. Les quelques résultats, il a que quelques résultats d'optique et de mécanique, et paf, c'est la res extensa, comme si le monde entier était fait de cette même matière que la connaissance qu'il en a sur un tout petit nombre d'exemples. C'est quand même extraordinaire. Et quand vous faites cette extension indéfinie, évidemment, du coup, où est-ce que vous mettez tout ce qui est conscience, morale, liberté, etc. Ne se ramène pas à de la matière. Vous inventez un sujet qui est en face de cette affaire. Mais ça, maintenant, c'est bien travaillé. Tout ça, maintenant, est bien compris par l'histoire de la philosophie, l'histoire de l'environnement. Alors, justement, comment penser notre monde si celui-ci ne se ramène pas à de la matière, si celui-ci ne se ramène pas à une opposition nature-culture ou homme-animal, si il est composé de ce que vous disiez, une sorte de macramé de fils qui s'entrecroisent. Est-ce qu'on peut garder un modèle de monde qui viendrait unifier notre mode d'être vivant sur cette planète? J'avoue, j'ai été très perturbé par votre cri du cœur hier à la fin de l'émission de mardi, en disant mais on peut pas être quand même avoir tout ce pluralisme de choses qui nous tombent dessus, c'est très compliqué, on peut pas avoir une pluralité de mode d'existence. Ah, j'ai pas dit qu'on pouvait pas, j'ai essayé de vous demander. Vous aviez l'air un peu de dire que on était écrasé par ce... Mais la question se pose alors de savoir, est-ce que nous sommes capables d'être dans une société, si on veut, ou un collectif, comme je dis, pluraliste? Ben voilà, oui. Or, on n'est pas dans une société pluraliste. Quand on dit pluralisme d'une société actuelle, c'est au sens traditionnel, disons, plutôt à l'américaine, c'est-à-dire, bon, ben, y a plein de gens qui pensent des tas de choses différentes. Mais les modes, est-ce que nous sommes capables d'être pluralistes au sens d'avoir plusieurs modes? C'est-à-dire d'être capable, comme on essaye de le dire depuis lundi, de tenir en compte des types de véridictions qui sont simultanément vraies dans leur mode, mais qui n'ont plus capables d'être hégémoniques. Mais est-ce que est-ce que la notion de monde a encore un sens pour vous? Ah, évidemment, le monde. Mais la question maintenant, parce qu'elle est que la notion implique une unité. Pardon? La non, notion. Pas forcément. La question, elle devient une situation diplomatique. À quoi nous tenons vraiment quand nous disons nous sommes une société, par exemple, nous tenons évidemment à la liberté politique, on en parlera demain. Mais cette liberté politique, on la comprend comment? Est-ce qu'on considère que, par exemple, le système représentatif un peu bricolé que nous appelons démocratie représentative depuis le 17e siècle, est-ce que c'est le modèle universel de démocratie qui va nous permettre de dire, ben, maintenant tous les autres pays, vous devez avoir le même système? Non. Donc la question de l'universalité, on l'avait résolue un peu vite, pour le dire de façon... Quand ça? Ben, parce qu'on avait dit, enfin, toute l'indignation postcoloniale depuis un siècle, c'est de dire, mais vous avez un peu été trop rapide en disant, votre définition de la liberté, votre définition de la politique, votre définition de la science et de la technique, c'est ce qui doit se répandre partout sur l'horizon de moderniser la planète. Alors, maintenant, on sait que c'est impossible, puisque du point de vue écologique, on n'a pas non plus la capacité de l'étendre, mais parce que, aussi, il y a 1000 modernisations actuelles, complètement différentes. Les Chinois prétendent avoir une modernisation à la chinoise, etc. Donc la question de l'universalité se rouvre. Qu'est-ce qu'on fait quand la question de l'universalité se rouvre? Alors on peut faire, comme beaucoup de gens malheureusement en France, c'est-à-dire s'indigner en disant « mais il faut maintenir l'universalité à l'ancienne ». Mais bon, ça ne concerne que quelques personnes, et évidemment les autres ne sont pas forcément d'accord. Ou l'autre solution, qui est celle que je propose depuis toute cette anthropologie et toute cette enquête sur les modes d'existence, c'est « est-ce que vous êtes capable de nous dire à quoi vous tenez vraiment ?» Et est-ce que vous pouvez vous présenter les valeurs auxquelles vous tenez, de façon à ce que quand vous rencontriez un collectif qui définit autrement ses valeurs, vous pouvez définir les vôtres à peu près proprement, dignement, je disais hier. Oui. Donc, par exemple, si vous dites, moi je tiens, nous tenons beaucoup à la rationalité, et donc, si nous entrons en contact avec vous, les autres collectifs, c'est évidemment que toutes les choses auxquelles vous croyez, par exemple, les divinités, les dieux, les rituels, etc., évidemment, c'est dans votre tête. Vous acceptez que ça n'existe pas. La diplomatie, évidemment, foire. Parce que ça veut dire que vous, vous prétendez définir les modes d'existence des autres, mais vous commencez à dire, ah oui, mais c'est évident que les êtres qui vous tiennent, ceux auxquels vous tenez, n'existent pas. Reconnaissez que c'est une situation diplomatique un peu biaisée. Et c'est, les autres, collectifs, ont tout à fait le droit de dire, mais vous, c'est quoi vos divinités? Qu'est-ce qui vous tient? Et ce que j'essaie de faire dans l'enquête sur les modes d'existence, au fond, c'est de définir les divinités qui nous tiennent. Enfin, les divinités, c'est pas le mot, mais les valeurs qui nous tiennent. Mmh. Par exemple, nous tenons beaucoup à la science. Mais on tient à laquelle? On tient à la science avec un grand S, qui est une vue de l'esprit, ou on tient à la pratique scientifique qui exige toutes ces choses que nous avons décrites hier, c'est-à-dire une attention aux objets, des laboratoires, des moyens, des institutions qui permettent de former les chercheurs, ces choses que nous devons chérir. Mmh. Et là, quand on commence à dire, ah oui, c'est tout à fait différent la situation diplomatique. Si j'arrive en disant, mais moi je suis l'instance de la raison et tous les êtres dont vous parlez, tout ça, ça n'existe pas, ouais. Mauvais début. Mais si je dis, ouais. Attendez, moi j'arrive avec la pratique scientifique qui permet, dans tout un tas de situations, d'obtenir des faits objectifs validés après longue discussion sur un nombre de sujets. Est-ce que ça vous intéresse? Ah, il est tout à fait possible que les autres collectifs disent, oui, nous sommes tout à fait prêts à entrer dans cette discussion et à partager cette valeur. Mais vous avez employé à de nombreuses reprises le terme de diplomatie, de diplomate. C'est la figure qui permet de négocier, c'est ça, entre deux collectifs? C'est une figure que Isabelle Sengers, la philosophe belge, a remis en épistémologie, si je veux dire, qui lui a redonné un sens. C'est-à-dire que ce sens, oui, en prenant la métaphore du diplomate, pourquoi le diplomate? D'abord parce que c'est, contrairement à ce qu'on dit, c'est le plus ancien métier du monde, c'est-à-dire celui qui établit les relations en tâtonnant avec des êtres qui ont l'air d'étrangers, mais qui suscitent disons, à la fois un intérêt, une menace et une fraternité possible, mais à condition de faire le boulot, de négocier, disons, à quoi ils tiennent et à quoi nous tenons. Il faut reconnaître que les modernes, le projet de modernisation depuis le XVIIIe siècle, mais surtout dans notre siècle, au XXe, enfin au siècle précédent, n'est pas caractérisé par un grand sens de la diplomatie. Si vous arrivez en disant, mais de toute façon, c'est l'efficacité, la rentabilité et la rationalité qui sont les éléments essentiels, et si vous n'y croyez pas, vous êtes des barbares, des archaïques, des sauvages, et il faut vous civiliser, vous discipliner, etc., ce qui est quand même ce qui s'est passé, effectivement, ça n'est pas une façon de construire un monde commun. Mmh. Alors, Ça s'est effondré, l'idée d'universalité imposée à partir de quelques points occidentaux. Mais pas l'idée de monde commun, vous la gardez. Mais pas l'idée de donc monde commun. Donc il faudrait penser sans l'universel. C'est un monde commun qui n'implique non, pas. Non, c'est un monde commun à faire. Quel rôle tient la notion d'universel dans ce monde commun? Est-ce qu'il faut y renoncer? L'universel, c'est l'horizon vers lequel on peut vouloir tendre. Mais on peut pas arriver à l'universel. C'est comme le discutable, l'indiscutable. On peut pas arriver à l'universel en commençant d'emblée à définissant les valeurs et en disant elles sont indiscutables. L'universel est évidemment un projet commun. De toute façon, on n'a pas le choix, puisqu'on est environné d'une situation écologique tellement dure qu'on est bien dans une espèce d'obligation de trouver le monde commun. Mais on est dans une obligation contradictoire de ne pas supposer que ce monde commun est déjà établi par les quelques expressions de valeurs d'une bande d'Occidentaux allant du XVIIe siècle au XXe siècle, aussi belles que soient ces inventions pour nous. Mais, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est très bien, c'est magnifique. Mais l'idée que vous allez à l'identique essayer de négocier, de faire comprendre ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'un droit, ce que c'est une déclaration. Donc elle est occidentale plus qu'universelle, cette déclaration. Disons, pour le moment, il y a des tas de raisons pour lesquelles des tas d'autres collectifs se sont emparés vigoureusement de ces droits de l'homme pour exiger des droits et faire avancer leur propre cause, bien sûr. Mais c'est les universels qui sont intéressants, c'est des universels relatifs, c'est des universels en expérience, c'est des universels en action et qui sont prêts à être négociés et discutés avec d'autres. Là, nous sommes en train de parler, c'est ça l'ambiguïté sur la notion d'universel. Oui. C'est un horizon, l'universel. Mais donc il ne faut pas l'abandonner, c'est le but. Mais pour y arriver, il faut être capable que vous soyez vous-même capable, vous, disons, ceux qui vous prétendez être indiscutablement et résolument moderne, de définir vos propres valeurs. Alors justement, comme c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, l'universalisme, l'universalité, qu'on oppose soit à la particularité, soit à l'identitarisme, justement, écoutons un extrait. C'est Rokhaya Diallo qui s'exprimait sur Mediapart en juin 2021. Certaines personnes se revendiquent universalistes et qualifient d'autres de ne pas l'être. Moi, je pense que ce qui pose question aujourd'hui, c'est davantage qu'on définit comme étant universaliste. Est-ce qu'on peut réduire l'universalisme aux personnes qui s'en réclament? Je ne le pense pas. Je pense notamment à des modes de pensée, à des outils d'émancipation qui ont été produits intellectuellement en dehors du continent européen. On peut citer la charte du Mondaine, qui est une charte en fait qui a été dictée en 1222 dans l'Empire du Mali, donc sous le règne de Soundiata Keïta pendant le XIIIe siècle. Cette charte commence par « une vie est une vie », donc c'est un principe qui met un équivalent entre toutes les vies humaines. Donc je pense qu'on peut penser à un universalisme qui existe en fait dans un contexte différent. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on restreigne l'universalisme en fait à quelques personnes qui s'en revendiquent et qu'on considère que les personnes, sous prétexte qu'elles se disent intersectionnelles ou décoloniales, ne puissent pas en même temps être universalistes ou promouvoir l'universel. Et je crois que ce qui est critiqué, c'est surtout le fait qu'une certaine universalité en réalité soit partiale et ne désigne qu'une partie de l'humanité. Alors Bruno Latour, est-ce que vous souscrivez au propos de Rokhaya Diallo ? Là, on parle d'une universalité de droit, mais l'universalité qu'il faut discuter le plus sérieusement, c'est l'universalité de l'ordre matériel. Donc, la question qui se pose sur lorsqu'on aborde la question de l'universalité, c'est d'abord, est-ce que le monde, au sens matériel, dont une partie est connue par les sciences, est commun. Donc c'est intéressant de discuter des universels au sens, disons, des droits. Oui. Mais il y a bien d'autres questions de l'universel qui méritent d'être... Oui, mais la question discutée. Là qui est soulevée, c'est celle de savoir s'il existe un universalisme qui serait pluriel, au fond. Universalisme pluriel, ça ressemble beaucoup à un universel relatif à discuter diplomatiquement, à négocier, dont je parle. À partir du moment où on dit... Mais c'est bizarre ce sens d'universalisme relatif, parce que ça semble pluriel, contradictoire dans les termes. Il y a la différence entre pluriel et relatif. Non, mais pareil, en fait. Oui, c'est l'expression elle-même. C'est parce que nous sommes en situation de remise en cause d'une certaine idée d'universalité qui avait été développée au début, en gros, par les puissances occidentales, également appuyées sur le charbon, et le pétrole qui leur a donné cette espèce de prétention à l'universalité. Parce que si vous enlevez le pétrole et le charbon, l'universalité telle qu'elle est définie par Locke, par Rousseau, au XVIIIe siècle, elle serait restée locale. Elle serait restée intéressante, passionnante, on l'aurait discutée, mais enfin elle ne serait pas devenue universelle au sens que nous, disons, pratico-pratique, c'est-à-dire la capacité de s'étendre partout sur toutes les autres terres et de les exploiter. Donc, il faut jamais oublier le pétrole, le charbon et le gaz dans cette affaire. Si nous l'enlevons là et qu'on commence à discuter sérieusement, on se dit bon, ce projet d'universalité là, il est maintenant soumis à un bénéfice d'inventaire, puisque de toute façon, la question de l'universalisation des conditions matérielles d'existence telles qu'elles ont été développées en gros à l'américaine ne peut pas s'étendre. Parce qu'il n'y a pas de monde pour ça, il n'y a pas de planète pour ça. ce bénéfice d'inventaire, il doit être fait par tout le monde. Il doit être fait par ceux qui ont été colonisés, par ceux qui sont en train de se moderniser selon 1000 chemins de modernisation différents, chinois, japonais, indiens, etc. Mais il doit aussi être fait par les anciens, pour le dire simplement, les anciens colonisateurs, pour revenir à mon expérience d'Abidjan, et se dire, bon, alors, nous sommes maintenant soumis à une pression énorme, puisqu'il y a des tas d'autres collectifs qui ont des tas d'autres visions de ce que c'est que le monde commun. Comment on leur parle? Quelle situation diplomatique ouvrons-nous? Si on commence à dire, ah oui, mais tout ce que vous dites, c'est scandaleux parce que c'est relativiste. Alors là, la discussion s'arrête. Si vous dites, commencez à dire, oui, c'est évident, mais on va limiter le nombre d'êtres que vous considérez comme importants. Donc les dieux, par exemple, bah, ça n'existe pas. Nous, les blancs, pour reprendre cette espèce de figure un peu bizarre, les occidentaux, nous, on n'a pas de dieu. Ah bon, vous avez pas de dieu? Mais alors vous êtes des barbares, vont répondre les autres. Et est-ce que c'est vrai que nous, les blancs, nous n'avons pas de dieu? Ben, on a des religions très importantes qui ont joué un rôle énorme. Nous avons chez nous tout un tas d'autres peuples qui ont des tas d'autres dieux aussi, sans parler de tous les gens qui vont chez les féticheurs, les désensorceleurs, etc. Ah tiens, mais vous êtes bourrés de divinités, vous aussi. Alors là, la discussion commence à devenir intéressante. Oui. C'est-à-dire qu'on commence à comparer des capacités. Bon, c'est ça, comparer les modes d'existence. Mais oui, mais cette discussion, Bruno Latour, est-ce qu'elle peut avoir lieu? Est-ce que c'est pas elle aussi... Elle a lieu en vrai. Elle a lieu parfois... L'époque dans laquelle nous vivons, vous trouvez qu'elle est diplomatique? On est en train de négocier les choses, là? Non, mais parce que... Et pourquoi? C'est parce que le mode... Justement, on n'arrive pas à être pluraliste sur les modes d'existence. Oui, mais si on ne peut pas être une société pluraliste, on est une société qui disparaît. Puisque de toute façon, d'une part, on est soumis à la pression de Gaïa, disons à la pression... Parce que Gaïa, c'est le nom que je donne à la situation écologique, qui nous oblige à imaginer un monde commun. D'accord? Donc on a un projet d'universalité qui, s'il n'était pas poussé par l'idée de développement, rationalité, etc., est néanmoins nécessaire, puisque de toute façon, il faut bien falloir vivre dans cette petite enceinte qui est la Terre et d'essayer de ne pas se manger mutuellement. Bon, voilà, ça c'est l'horizon, disons. Oui. Et à l'intérieur de cet espace, on ne peut pas imaginer non plus qu'on va s'en sortir si on ne s'aperçoit pas qu'il y a des tas de collectifs qui constituent les valeurs auxquelles ils tiennent mordicus à mort et à vie de façon différente des nôtres. Chose étonnante, c'est ça l'anthropologie que j'essaie de faire avec les modes d'existence, c'est très difficile de savoir à quoi les modernes, les ci-devant modernes, tiennent. Parce qu'on ne sait jamais, c'est pour ça que il n'y a pas de situation diplomatique. Les gens, dès qu'on dit l'universalité est en question, on a des hurlements. Ah mais alors si on ça va être, c'est le relativisme, c'est fini, l'école laïque c'est terminé, etc. Tout le monde se met à hurler. Attendez, n'essayez pas de hurler. Qu'est-ce que vous tenez avec votre école laïque? C'est quoi d'ailleurs la laïcité? C'est une autre question très importante. Est-ce que vous êtes vraiment des êtres sans Dieu, sans divinité qui vous tiennent? Mais non, on a plein de divinités qui nous tiennent. La raison, c'est une divinité importante, il faut la respecter. L'efficacité technique, c'est une divinité importante. Je dis divinité pour bien comprendre que c'est pas des choses auxquelles vous tenez subjectivement. C'est des choses qui vous tiennent. Rappelons-nous que toute l'analyse en termes de mode d'existence est de recevoir les êtres qui viennent vous construire, en quelque sorte. Les êtres de la technique, les êtres de la politique, les êtres de la religion, les êtres, etc. La fiction, tous ces êtres, c'est pour ça que je parle de divinité pour simplifier la discussion. Enfin, pour simplifier, c'est peut-être... Faut-il. Si, je pense que c'est mieux, parce que du coup, nous savons combien, en anthropologue, nous savons que dans tous les autres collectifs, il y a des divinités, il y a des êtres auxquels ils tiennent. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce modèle de diplomatie, cette négociation entre les différents collectifs dont vous parlez, se demander ce à quoi nous autres, soi-disant modernes, tenons pour savoir comment construire une société dans laquelle, justement, ce pluralisme, peut-être, est une place... Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît aujourd'hui faisable, réaliste? Je suis obligée de poser cette question-là. Nous vivons à une époque où Vladimir Poutine vient d'envahir l'Ukraine. On n'est pas dans la négociation, on n'est pas dans la diplomatie. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est pas décourageant d'un point de vue de votre travail de dire mais au fond l'époque à laquelle nous assistons c'est exactement l'inverse qui se passe. Une guerre aussi archaïque ne peut pas être considérée comme un élément vraiment très innovateur. Dans la situation où nous sommes, le fait qu'il y ait en ce moment même un retour à peu près universel des formes de fondamentalisme, parce qu'au fond, c'est le retour à une guerre archaïque, comme on l'a fait dans les années 40, c'est un retour en arrière, hein. C'est clair. Le fait qu'il y ait d'innombrables gens qui, perturbés par cette situation de diplomatie nécessaire due à la crise écologique, se rabattent sur des questions et des positions qui sont des positions, disons, néo-fascistes, d'une façon ou d'une autre, ça c'est tout à fait compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible ? Mais c'est parce que le projet d'une alternative à la modernité n'est jamais articulé. On nous a jamais dit, personne ne nous a jamais dit, mais la modernisation, ça n'a jamais existé. Bon, ça, je comprends que les gens ne se précipitent pas sur mon livre, nous n'avons jamais été modernes. Mais au moins, le projet de modernisation, c'est-à-dire de développement, d'efficacité, de rentabilité, de rationalité, au niveau de social, matériel des Américains, pour la planète, c'est fini, ça n'arrivera jamais. On ne nous l'a jamais dit. On continue à nous dire, mais on va continuer à se moderniser. Nous sommes dans un... Bah non, il y a tout un courant qui existe, justement, qui remet en question radicalement le capitalisme. On a pu vous faire d'ailleurs ce reproche-là, Bruno Latour, de ne pas être assez radical. Je pense à une tribune qui était sortie à l'automne dernier, signée Frédéric Lordon, au titre « Pleurnicher les vivants », n'est-ce pas, où il vous dit justement, il vous reproche de ne pas assez être engagé politiquement, radicalement. Oui, alors ça, l'engagement radical est... du monde diplomatique ne me paraît pas, me paraît aussi archaïque. Peut-être pas que monsieur Poutine, je ne dirais pas jusque-là, mais du moins, pour moi, c'est comme des monarchistes qui attendent le retour du roi. Je veux dire, c'est des formes de radicalité. C'est très radical de vouloir que le roi revienne et prenne le pouvoir. Ma belle-mère attendait que le roi revienne aussi. Elle organisait le retour du roi. Non, ce sont des propos sans aucune espèce d'intérêt. Il y a plein d'archaïsmes en ce moment, évidemment, de gens qui, devant l'extraordinaire complexité et perturbation de la crise écologique, disent « mais restons sur nos valeurs, le marxisme anticapitaliste indiscutable, l'arrivée du roi, les trotskistes, on a trois partis trotskistes, évidemment, le retour du néofasciste, tout ça, c'est l'époque. Mais pourquoi est-ce que ces mouvements fondamentalistes sont tellement importants ? Parce que l'alternative à la modernité n'est pas articulée comme telle. Ouais. Donc, et vous en avez une, l'alternative à la modernité ? L'anthropologie des modernes, c'est bien de dire, mais essayons d'abord de faire ce travail sur ce que c'est que la modernité, pourquoi elle a été très importante et qu'elle a enthousiasmé les meilleurs esprits depuis le XVIIe siècle, pourquoi elle a exploité le reste du monde ad nauseam, et pourquoi est-ce qu'elle est devenue impossible à prolonger à cause de la question écologique. Donc ce sont les chercheurs d'anthropologie vont pouvoir nous sauver. C'est pas des chercheurs, c'est d'innombrables militants qui travaillent dans tous les militants écologistes, sans le savoir toujours d'ailleurs, travaillent sur ces questions, les historiens de l'environnement, les politiques, les industriels, tout le monde est en train de se poser cette question, mais elle n'est pas articulée publiquement. On continue à maintenir publiquement que l'idée, au fond, qui va nous sortir, c'est que on va reprendre l'économie comme elle était. Alors maintenant, avec la crise de l'Ukraine, c'est là où l'extraordinaire situation devient très intéressante malgré l'archaïsme de l'occasion, qui est celle de ce malheureux Poutine qui se lance dans une guerre impossible, c'est le lien, maintenant complètement explicite, avec les questions d'énergie. Et donc là, on voit que la géopolitique, cette géopolitique qui était déjà là présente dans tous les travaux d'études de l'environnement, et depuis toujours, c'est-à-dire de dire les questions fondamentales de l'écologie, c'est une rematérialisation, c'est une redéfinition de ce que c'est que la matière qui organise vos soucis à vous, modernes, de liberté, d'autonomie, d'indépendance, d'émancipation, etc. Maintenant, ils sont articulés clairement, au point qu'on est en train de se dire, tiens, on va pouvoir se servir de cette guerre affreuse, archaïque, absolument classique dans la façon dont elle se représente au monde, mais brusquement on bascule dans une question en disant « Ah mais la question énergétique, c'est peut-être celle-là qu'il faut résoudre ». C'est pas joué, parce qu'évidemment au même moment, tout le monde dit « Ah ben non, au contraire, il faut abandonner toutes les règles écologiques et obtenir le plus de pétrole possible, le plus de gaz possible, libérer l'agriculture de toutes ces contraintes écologiques ». C'est pas joué. Mais l'histoire ne se joue jamais d'un coup, hein. On est dans la situation. Mais ça, c'est local par rapport au problème que je posais. Le problème général, c'est qu'il n'y a jamais eu les sociétés. Ça va peut-être changer encore une fois avec cette crise, hein. Mais jusqu'ici, on nous a jamais donné de projet alternatif à la modernisation. Or, la modernisation, c'est un mot d'ordre qui a des effets prodigieux de fascination, de destruction, mais aussi, pour beaucoup, de sortir de la pauvreté et d'émancipation, ça c'est vrai, donc il faut pouvoir l'étudier dans tous ses aspects, mais elle n'est pas, comme on dit, je dis les écologistes sous cette forme tout à fait, le mot est banal, mais soutenable. Donc l'alternative à la modernité, elle est du côté de l'écologie. Moderniser ou écologiser, c'est assez facile à comprendre comme mot d'ordre. Mais c'est un mot d'ordre aussi, parce que écologiser, ça ne dit absolument pas ce qu'on doit faire. Mais ça donne la situation générale. Alors, il y a la question écologique, dont on parlera peut-être demain. Ouais. Mais pour le moment, la question de la diplomatie, c'est de dire, mais vous ne pouvez pas entrer dans une situation diplomatique pour refaire l'horizon commun, le monde commun, et reposer la question d'universalité si vous n'êtes pas fichu de définir vos propres valeurs à vous. Donc, reprenons la question, parce que c'était assez clair hier, je pense, sur la question des sciences. Qu'est-ce que vous défendez dans les sciences? Vous défendez la science comme universalité fondée sur la notion de nature, ou vous défendez les pratiques scientifiques qui permettent d'obtenir des faits indiscutables à condition de construire les réseaux qui correspondent et qui permettent cette production de faits indiscutables? C'est pas la même chose. Défendre l'un, c'est pas défendre l'autre. Si vous dites, mais moi je défends la raison contre les attaques des irrationnels, c'est assez inintéressant comme façon d'aborder, parce que vous savez rien de ce que les autres pensent de l'irrationnel. Par exemple, c'est très intéressant dans toutes les questions écologiques. Moi, je travaille beaucoup maintenant avec des chercheurs qui s'appellent les chercheurs des zones critiques. Oui. Ils travaillent à la fois au laboratoire, mais ils ont la particularité de travailler aussi dans des observatoires à l'extérieur, et quand ils sont au laboratoire, les lois de la nature, la cinétique chimique, donnent un certain type de résultats, mais quand ils sont sur leur terrain, c'est plus du tout les mêmes résultats. Et donc, ils sont constamment obligés de s'apercevoir que pour aborder les questions écologiques, il faut pouvoir transiter du laboratoire à des situations qui sont locales. Voilà, prenons un exemple justement, écoutez comment le chercheur et philosophe Baptiste Morisot parle de son travail, de cette manière d'établir et de prendre acte d'une communication avec le vivant. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, comme les zoologues du Yellowstone, utilisent une technique dite du hurlement incitatif. Donc l'été, à la nuit, ils vont hurler aux loups en se situant pas trop loin des meutes, mais de manière à être quand même suffisamment discret. Et leur hurlement est pris par les loups pour un hurlement lupin. La plupart du temps, c'est les louveteaux qui se laissent tromper, qui se mettent à hurler, et toute la meute le reprend en cœur, et ça permet à l'ONCFS de compter et de recenser en fait les portées de louveteaux chaque année, en incitant de cette manière le hurlement. Ce dispositif de communication-là, néanmoins, il n'a pas d'effectivité sur la modulation de leur comportement. C'est possible parce que le vivant est un immense réseau de communication, une grande symphonie de communication et d'échanges de signes volontaires et involontaires. Et nous sommes des vivants, et ce faisant, si on arrête de fantasmer notre élection comme si nous étions les seuls à manipuler du signe, on se retrouve réembarqué dans cette grande politique vitale dans laquelle on peut à nouveau échanger des messages avec le reste du vivant. Bruno Latour, alors si le modèle écologique est la seule alternative possible à la modernité, c'est ce type de travaux qu'il faudrait engendrer? Mais mon ami Morisot est un maître dans cette affaire, c'est-à-dire que c'est le caractère, à partir du moment où on s'intéresse à la question écologique, on s'intéresse à la particularité. Et donc les universalités apparaissent toujours comme trop rapides. Parce que c'est l'exemple que je donnais aussi tout à l'heure de mes amis des zones critiques. J'ai fait une exposition entière à Karlsruhe pendant 2 ans l'année dernière, et qui continue un peu d'ailleurs en ce moment à Pompidou-Metz. C'est l'extraordinaire particularisme des vivants qui ont construit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, l'idée d'universalité est bien là. C'est bien un horizon commun et auquel il faut viser, mais le tissage qui va nous permettre de retrouver des capacités de créer ce monde commun n'ont à peu près aucune espèce de rapport avec les habitudes que nous avons acquises dans la grande période charbon, pétrole, gaz, qui faisaient de nous les tenants, les porteurs, disons, d'une universalité obtenue trop rapidement. Mais ça commence par l'intégration des animaux déjà. Les animaux, c'est là où Lordon a tout à fait raison de donner son titre pleurnicher sur les vivants. Les animaux, ça peut faire pleurnicher sans faire pour autant de politique. J'ai pas répondu d'ailleurs à votre interrogation sur la radicalité. Cohn-Bendit avait une très bonne formule en disant, mais on confond toujours la radicalité du projet. Et là, je ne crois pas que le projet d'anthropologie des modernes puisse être qualifié de pas radical, avec celle de la méthode et de l'attitude. Alors évidemment, quand il reste plus que l'attitude, ce qui est le cas du monde diplomatique, ça paraît grotesque. Mais la radicalité, s'il s'agit de transformer le projet moderne en un projet écologique, ça c'est assez radical. Et ça ne veut pas du tout dire que c'est en criant au micro qu'on va obtenir non, ce genre d'attitude. Non, ne criez pas, s'il vous plaît. Mais par contre, vous reviendrez demain, parce que justement, là, on est déjà en train de commencer l'émission demain. On se demandera dans quelle mesure l'écologie peut avoir un projet, peut être une force politique. Ça, ce sera l'émission demain. On va se quitter, Bruno Latour, aujourd'hui, avec une proposition de votre part, une proposition musicale de votre part. C'est Monteverdi. Pourquoi ce choix? Parce que Monteverdi, là, je parle... Non pas directement, mais par la... Je suis le channel de mon épouse et de mes amis, parce que malheureusement, la musique, c'est elle et pas moi. C'est le moment où se passe un changement dans la définition de la musique en fonction d'une nouvelle cosmologie. Or, mon argument général, c'est qu'on est exactement dans la même situation que nous l'étions en 1608 ou en 1607, je me rappelle plus la date exacte, quand Monteverdi passe dans ses madrigaux au quatrième livre et change de musique. Eh ben, nous changeons de musique dans tous les sens possibles en ce moment. Et tous les artistes, tous les philosophes, tous les militants, tous les politiques essaient de changer de cosmologie. Et c'est pour ça que c'est très beau d'essayer de comprendre qu'en 1608, Galilée, avec son télescope, et Monteverdi, avec ses madrigaux, participent à cette transformation. On l'écoute ? Ah oui. Merci beaucoup Bruno Latour d'être venu ce matin pour cette émission. On vous retrouve donc demain à 10h. Mais d'ici là, il est temps de retrouver la chronique philosophie quotidienne du jour, le pourquoi du comment par Frédéric Worms. Comment le sage affronte-t-il la peur ? La peur humaine n'est pas pour la philosophie un objet parmi d'autres. Au contraire, il se peut que toute la philosophie, sous son nom antique de sagesse, soit d'abord pensée comme un remède contre la peur, qui n'est pas un mal parmi d'autres dans la vie humaine, mais peut-être le mal fondamental, d'après en tout cas l'ensemble de la philosophie antique. Ce que Pierre Hadot, dans son célèbre livre « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», définissait à travers une célèbre formule, la philosophie comme manière de vivre, et au fond la philosophie d'abord comme manière de répondre aux problèmes, aux maladies de la vie, aux maladies de notre esprit, dont la peur est peut-être le problème fondamental. La peur comme maladie fondamentale de l'être humain, dont la philosophie, sous la forme de la sagesse antique, tentait de nous guérir. Mais comment la sagesse en général, sous ses diverses versions dans l'Antiquité, d'ailleurs pas seulement grecque et latine, mais peut-être dans toutes les grandes sagesses, dans toutes les grandes traditions, comment toutes ces sagesses visaient-elles à nous guérir de la peur. C'est qu'elle distinguait dans la peur deux éléments. La peur, pour l'ensemble des sagesses de l'Antiquité, ce n'est pas seulement la réaction devant un danger objectif, une réaction de notre corps qui nous invite par exemple à fuir, c'est d'abord une représentation mentale de ce danger. Dès lors, il y a une sorte de prise sur la peur, qui est d'une certaine façon non pas le déni de la souffrance physique, par exemple, ou du mal que peut nous faire un instrument brûlant appliqué sur notre corps, par exemple par un bourreau, comme c'est le cas chez les tyrans. Non, la peur, c'est toujours, selon les philosophes de l'Antiquité et dans toutes les grandes sagesses, la représentation de ce mal qui aggrave ce mal, qui fait que nous cherchons à l'éviter avant qu'il se produise, que nous nous en souvenons après, et que même pendant que nous le subissons, nous l'aggravons en pensant qu'il détruit absolument tout notre être, alors que pour les stoïciens, par exemple, dans l'Antiquité, la pensée est indépendante des souffrances de notre corps et ne doit pas être atteinte par elle. D'une certaine façon, toute la sagesse antique pense que le travail de la philosophie, c'est de nous guérir, non pas de la souffrance physique, mais de la représentation mentale de cette souffrance physique qui définit la peur en général et qui produit aussi toutes nos superstitions, toutes nos angoisses, toutes nos craintes, comme par exemple chez les épicuriens qui pensaient que la religion était créée par la peur, primus in orbis deum fecit Timor, c'est la peur qui a créé les dieux dans le monde. Et nous avons peur de ces êtres parce que la représentation de la peur envahit notre vie. Tel est l'objectif de la philosophie en général, de nous guérir de nos représentations de la peur. Mais est-ce toujours possible ? Le XXe siècle ne nous a-t-il pas appris que nos représentations faisaient partie aussi de notre vie ? Et la représentation est-elle toujours curable ? Ce n'est pas sûr, mais retenons cette leçon, la sagesse à avoir avec la pensée de la peur. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique. Le pourquoi du comment est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Manon de la Salle, Thaïs Éloi Hamor, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions, la lecture des textes et François Raison, à la prise de son Grégory Wallon. On se retrouve demain pour la suite de notre série en compagnie, en votre compagnie Bruno Latour. Demain, on se demandera si l'écologie a un avenir politique. Ce sera l'occasion d'introduire plusieurs concepts dont vous avez déjà un peu parlé aujourd'hui, celui de Gaïa notamment. Vous définirez ce que c'est et nous verrons dans quel sens cela s'applique à notre époque et à la crise actuelle. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster, comme ça vous écoutez des séries en entier, grâce notamment à l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct et en téléchargement. On vous attend également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours heureux de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve demain à 10h précise. Nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.